Ceci est un audio généré issu de l'article Hiroshi Ozokawa, « Quand l'équilibre menace les traitements pharmaceutiques », disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Un médecin japonais et un secret trop simple. On imagine souvent les médecins japonais noyés sous les bilans et les ordonnances. Le docteur Hiroshi Ozokawa, lui, a pris le contre-pied. Formé à la médecine classique, il a peu à peu lâché le modèle pilule pour chaque symptôme. Il a choisi de parler d'équilibre acido-basique, d'alimentation vivante, de respiration et de gestion du stress. Pour lui, la maladie ne tombe pas du ciel. Elle signale surtout un terrain acide, saturé de déchets et d'inflammation. Dans ses conférences, il décrivait le corps humain comme un système d'auto-guérison très puissant. Mais ce système demande quelques règles simples, un sang légèrement alcalin, un mode de vie peu toxique, une bonne oxygénation des tissus. Cette vision rejoint des travaux de médecins et chercheurs sur le rôle du pH et de l'inflammation dans les maladies chroniques. On retrouve ces idées dans plusieurs ouvrages récents sur l'équilibre acido-basique, comme certains essais du docteur Laurent Schwartz sur métabolisme et cancer, présentés par exemple sur le site de son éditeur. Très vite, une question dérangeante apparaît. Si un simple changement de terrain améliore vraiment diabète, arthrose, fatigue chronique ou même certains cancers, que deviennent les traitements à vie? Cette interrogation plane sur toute l'histoire d'Ozokawa. Elle donne à son message un parfum de vérité qui dérange, surtout dans un système où chaque nouvelle pathologie ouvre un marché. L'équilibre acido-basique au cœur de sa méthode. Le point de départ d'Hiroshi Ozokawa reste simple. Notre sang tourne autour d'un pH de 7,4, donc légèrement alcalin. Le corps défend ce chiffre en permanence. La moindre dérive importante devient vite mortelle. Mais il supporte mal les assauts répétés du mode de vie moderne. Stress continu, alimentation industrielle acidifiante, excès de sucre, excès de protéines animales, alcool, sédentarité, tout pousse vers une acidose métabolique de bas grade. Pour compenser, l'organisme pioche dans ses réserves minérales, calcium, magnésium, potassium. Il brûle le magnésium quand les nerfs s'enflamment. Il libère du calcium depuis les os pour tamponner les acides circulants. À court terme, il protège le pH du sang. À long terme, il se déminéralise. Cette déminéralisation ouvre la porte à l'ostéoporose, aux fractures, aux douleurs articulaires et à une fatigue profonde. Plusieurs travaux sur l'acidose chronique de bas grade et la santé osseuse, publiés dans des revues de nutrition clinique, montrent ce lien entre alimentation acidifiante et perte de densité osseuse. Une synthèse grand public figure par exemple dans le livre, présenté dans l'équilibre acide-base du docteur Pierre Ni. Ozokawa va plus loin. Selon lui, ce même terrain acide favorise l'inflammation chronique, donc l'usure de tous les tissus. Il crée aussi un environnement idéal pour la prolifération des cellules cancéreuses. Il rappelle les travaux du prix Nobel Otto Warburg. Ce dernier a mis en lumière le métabolisme particulier des cellules tumorales, dans un milieu acide et pauvre en oxygène. Là où beaucoup voient un simple détail biochimique, Ozokawa voit un axe thérapeutique majeur. Sa réponse reste claire, alcaliniser le terrain. Comment? Par les végétaux, l'eau pure, la respiration profonde et la réduction des toxiques. Dans cette logique, la médecine ne se contente plus de combattre la tumeur. Elle change aussi la terre entière dans laquelle la tumeur essaie de pousser. L'héritage discret des hygiénistes. La pensée du docteur Hiroshi Ozokawa ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une longue lignée d'hygiénistes oubliés des facultés de médecine. Au début du XXe siècle, le médecin américain John H. Tilden décrivait déjà la toxémie comme cause principale des maladies. Pour lui, la véritable maladie vient de l'accumulation de déchets acides et de toxines dans les tissus. La fièvre, l'eczéma ou les crises d'arthrite n'étaient pas des ennemis à abattre. Ils représentaient, selon lui, des tentatives du corps pour se nettoyer. Son livre Toxemia Explained circule encore aujourd'hui dans les milieux de la santé naturelle. Il bénéficie de rééditions commentées en français. Les catalogues d'archives hygiénistes, présentés par certaines maisons d'édition comme exuvie.fr, citent souvent cet ouvrage comme texte fondateur. Plus tard, Herbert Shelton ou Pierre-Valentin Marchessault, en France, reprennent ce fil. Ils insistent sur le duo alimentation alcalinisante et repos profond. Ils défendent le jeûne, la respiration, l'activité physique adaptée et la gestion des émotions. Tous ces éléments servent à restaurer le terrain. Ozokawa arrive bien plus tard, au Japon. Pourtant, il aboutit au même constat. La vraie médecine commence quand on arrête d'intoxiquer l'organisme. Elle commence aussi quand on lui rend des conditions de vie correctes. Autrement dit, quand on remet l'équilibre acido-basique au centre, les symptômes cessent d'être la cible principale. Ils deviennent des indicateurs, pas des ennemis à abattre à tout prix. Cette continuité rend son message encore plus solide. On ne parle pas d'une lubie isolée. On parle d'un courant entier de médecins et de chercheurs. À un siècle d'écart, ils arrivent à la même équation, terrain alcalin plus hygiène de vie cohérente égale beaucoup moins de maladies chroniques. On comprend facilement pourquoi cette équation ne plaît pas à tout le monde. Une mort brutale et un lourd silence. Le 30 mai, la nouvelle tombe, le docteur Hiroshi Ozokawa meurt soudainement d'une rupture aortique. Il se trouvait seul dans son cabinet. Aucune longue maladie annoncée. Aucune vraie alerte publique. Officiellement, l'affaire se résume à un accident vasculaire foudroyant. Pour beaucoup, l'histoire s'arrête là. Pourtant, ceux qui suivaient ces prises de position restent perplexes. Ozokawa critiquait frontalement les injections récentes. Il remettait aussi en cause le modèle du médicament à vie. Il répétait que l'alcalinisation du terrain pouvait réduire la dépendance aux traitements lourds. Dans ce contexte, sa disparition alimente forcément les soupçons. Des blogs de santé alternative et des chaînes de médecins intégratifs s'emparent rapidement du sujet. Ils rappellent que d'autres praticiens trop dérangeants subissent déjà pression, radiation et campagnes médiatiques agressives. Certains évoquent aussi la corruption d'une partie de la littérature scientifique. Ils citent par exemple les propos d'anciens responsables de grandes revues médicales sur le poids des intérêts industriels dans les publications. Une analyse critique de ces dérives apparaît, par exemple, dans un dossier de la revue Medecinescience.org. Sans preuve directe, personne ne peut parler des un assassinat. Mais un ensemble de faits crée un malaise. Message subversif, mort brutale et silence médiatique massif. Cette combinaison renforce l'envie de comprendre ce qu'il disait vraiment. Pourquoi son message dérange autant? Les idées d'Hiroshi Ozokawa restent explosives. Ce n'est pas parce qu'elle parle de magie. C'est justement parce qu'elle parle de choses trop simples. Manger mieux, respirer mieux, dormir mieux, gérer son stress. Tout cela permet de rétablir l'équilibre acido-basique. Un corps qui se reminéralise consomme moins de médicaments. Un corps qui s'oxygène mieux élimine plus efficacement ses déchets. Un diabétique qui change vraiment son mode de vie peut parfois réduire ses besoins en traitement. Un arthrosique qui désacidifie ses tissus souffre souvent moins. La liste continue facilement. Ce discours bouscule un modèle économique colossal. Ce modèle repose sur des traitements chroniques, pas sur une santé durable. Des médecins comme le docteur Laurent Schwartz, en travaillant sur le métabolisme du cancer, montrent déjà ce virage possible. Des chercheurs en nutrition clinique étudient aussi l'impact des régimes acidifiants sur diverses pathologies. Cette approche métabolique apparaît dans ses livres et conférences disponibles sur le net. Ozokawa pousse ce raisonnement jusqu'au bout. Si le terrain compte autant, la priorité devrait aller à l'hygiène de vie, et non aux ordonnances infinies. On comprend vite pourquoi certains préfèrent garder ce message en marge. Les leçons positives à tirer. Malgré les zones d'ombre autour de sa mort, l'essentiel ne se trouve pas là. Le plus précieux, c'est ce que le docteur Hiroshi Ozokawa nous laisse comme grille de lecture. Il rappelle que la maladie parle d'abord d'un terrain à rééquilibrer, pas seulement d'un symptôme à faire taire. On peut tester soi-même, sans attendre. Augmenter fortement les légumes verts. Alléger les produits animaux et ultra-transformés. Boire une eau de qualité. Bouger chaque jour. Respirer profondément. Dormir enfin assez. 3 à 4 semaines suffisent souvent pour sentir un changement. Moins de fatigue, moins de douleur, un esprit plus clair. Cette démarche ne remplace pas la médecine d'urgence. Elle ne remplace pas non plus les traitements vraiment indispensables. Elle les complète et les renforce. Parfois, elle permet même d'en réduire les doses. Des auteurs hygiénistes modernes, réédités dans des collections spécialisées, expliquent à pas cette hygiène de vie alcalinisante. Ils détaillent l'alimentation, le jeûne doux et la gestion des émotions. Au fond, le message d'Ozokawa tient en une phrase. La vraie révolution médicale commence le jour où l'on arrête d'intoxiquer son corps. Elle commence aussi quand on lui rend les conditions pour se guérir lui-même. Libre à chacun de vérifier, dans sa propre vie, ce que cette phrase veut dire concrètement. Reprendre le flambeau? Au final, l'histoire du docteur Hiroshi Ozokawa ressemble presque à un scénario de film. Pourtant, Elle touche directement notre quotidien. D'un côté, un système puissant qui mise sur les maladies chroniques et les prescriptions à vie. De l'autre, un médecin qui répète que l'équilibre acido-basique, l'alimentation vivante, la respiration et la gestion du stress peuvent transformer une vie. Ces idées rejoignent celles de nombreux hygiénistes modernes. On les retrouve dans des livres, des conférences et des dossiers documentés sur la nutrition, l'inflammation et le métabolisme. La bonne nouvelle, c'est que ce savoir ne dépend plus d'un seul homme. Chacun peut commencer à l'appliquer dès maintenant. Remplir son assiette de végétaux. Réduire les acides inutiles. Respirer mieux. Bouger. Se reposer vraiment. On a besoin de l'accord de Big Pharma pour ça. On peut garder les hôpitaux pour les urgences, tout en construisant au quotidien un terrain plus alcalin, plus stable, plus vivant. En ce sens, le véritable héritage d'Ozokawa reste profondément positif. Il nous redonne une part de pouvoir sur notre corps. Il nous rappelle aussi que la médecine la plus puissante commence souvent par des choix simples, répétés, cohérents.